Cinquième vue. Exercer pendant quelque temps sur les objets de ses besoins physiques les plus simples opérations de l'esprit et en déterminer ensuite l'application sur des objets d'instruction. Considéré dans sa plus tendre enfance et sous le rapport de son entendement, l'homme ne paraît pas s'élever encore au-dessus des autres animaux. Toutes ses facultés intellectuelles sont rigoureusement circonscrites dans le cercle étroit de ses besoins physiques. C'est pour eux seuls que s'exercent les opérations de son esprit. Il faut alors que l'éducation s'en empare et les applique à son instruction, c'est-à-dire à un nouvel ordre de choses qui n'ont aucun rapport avec ses premiers besoins. De cette application découlent toutes ses connaissances, tous les progrès de son esprit et les conceptions du génie le plus sublime. Quel que soit le degré de probabilité de cette idée, je ne la reproduis ici que comme le point de départ de la marche que j'ai suivie pour remplir cette dernière vue. Je n'entrerai pas dans les détails des moyens mis en œuvre pour exercer les facultés intellectuelles du sauvage de l'Aveyron sur les objets de cet appétit. Ces moyens n'étaient autre chose que des obstacles toujours croissants, toujours nouveaux mis entre lui et ses besoins, et qu'il ne pouvait surmonter sans exercer continuellement son attention, sa mémoire, son jugement et toutes les facultés de ses sens. Note de l'auteur. Il n'est pas inutile de faire remarquer que je n'ai éprouvé aucune difficulté pour remplir ce premier but. Toutes les fois qu'il s'agit de ses besoins, son attention, sa mémoire et son intelligence semblent s'élever au-dessus de lui-même. C'est une remarque qu'on a pu faire de tous les temps et qui, si on l'eût sérieusement approfondie, eût conduit à prévoir un avenir heureux. Je ne crains pas de dire que je regarde comme une grande preuve d'intelligence d'avoir pu apprendre au bout de 6 semaines de séjour dans la société à préparer ses aliments avec tous les soins et les détails que nous a transmis le citoyen Bonnataire. Son occupation pendant son séjour à Rodez, dit ce naturaliste, consistait à écosser des haricots, et il remplissait cette tâche avec le degré de discernement dont serait susceptible l'homme le plus exercé. Comme il savait par expérience que ces sortes de légumes étaient destinés pour sa subsistance, aussitôt qu'on lui apportait une botte de tige desséchée, il allait chercher une marmite et établissait la scène de cette opération au milieu de l'appartement. Là, il distribuait ses matériaux le plus commodément possible. Le pot était placé à droite et les haricots à gauche. Il ouvrait successivement les gousses l'une après l'autre avec une souplesse de doigt inimitable. Il mettait dans le pot les bonnes graines et rejetait celles qui étaient moisies ou tachées. Si par hasard quelques graines lui échappaient, il la suivait de l'œil, la ramassait et la mettait avec les autres. À mesure qu'il vidait les gousses, il les empilait à côté de lui avec symétrie et lorsque son travail était fini, il enlevait le pot, y versait de l'eau et le portait auprès du feu dont il entretenait l'activité avec les gousses qu'il avait entassées séparément. Si le feu était éteint, il prenait la pelle qu'il déposait entre les mains de son surveillant, lui faisait signe d'en aller chercher dans le voisinage, etc. Ainsi se développèrent toutes les facultés qui devaient servir à son instruction, et il ne fallait plus que trouver les moyens les plus faciles de les faire valoir. Je devais peu compter encore sur les ressources du sens de l'ouïe, et sous ce rapport, le sauvage de l'Aveyron n'était qu'un sourd-muet. Cette considération m'engagea à tenter la méthode du citoyen Sicard. Je commençai donc par les premiers procédés usités dans cette célèbre école et dessinai sur une planche noire la figure linéaire de quelques objets dont un simple dessin pouvait le mieux représenter la forme, telle qu'une clé, des ciseaux et un marteau. J'appliquai à diverses reprises, et dans les moments où je voyais que j'étais observé, chacun de ces objets sur sa figure respective. Et quand je fus assuré par là de lui en avoir fait sentir les rapports, je voulus me les faire apporter successivement en désignant du doigt la figure de celui que je demandais. Je n'en obtins rien. J'y revins plusieurs fois, et toujours avec aussi peu de succès, ou il refusait avec entêtement d'apporter celle des trois choses que j'indiquais, ou bien il apportait avec celle-là les deux autres et me les présentait toutes à la fois. Je me persuadais que cela tenait à un calcul de paresse qui ne lui permettait pas de faire en détail ce qu'il trouvait tout simple d'exécuter en une seule fois. Je m'avisais alors d'un moyen qui le força à détailler son attention sur chacun de ses objets. J'avais observé, même depuis quelques mois, qu'il avait un goût des plus prononcés pour l'arrangement. C'était au point qu'il se levait quelquefois de son lit pour remettre dans sa place accoutumée un meuble ou un ustensile quelconque qui se trouvait accidentellement dérangé. Il poussait ce goût plus loin encore pour les choses suspendues à la muraille. Chacune avait un clou et son crochet particulier. Et quand il s'était fait quelques transpositions entre ces objets, il n'était pas tranquille qu'il ne l'eût réparé lui-même. Il n'y avait donc qu'à soumettre aux mêmes arrangements les choses sur lesquelles je voulais exercer son attention. Je suspendis, au moyen d'un clou, chacun des objets au bas de leur dessin et les y laissai quelque temps. Quand ensuite je vins à les enlever et à les donner à Victor, ils furent aussitôt replacés dans leur ordre convenable. Je recommençai plusieurs fois et toujours avec les mêmes résultats. J'étais loin cependant de les attribuer à son discernement. Et cette classification ne pouvait bien être qu'un acte de mémoire. Je changeai, pour m'assurer, la position respective des dessins. Et je le vis alors, sans aucun égard pour cette transposition, suivre pour l'arrangement des objets le même ordre qu'auparavant. À la vérité, rien n'était si facile que de lui apprendre la nouvelle classification nécessitée par ce nouveau changement. Mais rien de plus difficile que de la lui faire raisonner. Sa mémoire seule faisait les frais de chaque arrangement. Je m'attachais alors à neutraliser en quelque sorte les secours qu'il en retirait. J'y parvins en la fatiguant sans relâche par l'augmentation du nombre de dessins et par la fréquence de leurs inversions. Alors cette mémoire devint un guide insuffisant pour l'arrangement méthodique de tous ces corps nombreux. Alors l'esprit dut avoir recours à la comparaison du dessin avec la chose. Quel pas difficile je venais de franchir! Je n'en doutais point quand je vis notre jeune Victor attacher ses regards et successivement sur chacun des objets, en choisir un et chercher ensuite la figure à laquelle il voulait le rapporter, et j'en eus bientôt la preuve matérielle par l'expérience de l'inversion méthodique des objets. Ce résultat m'inspira les plus brillantes espérances. Je croyais n'avoir plus de difficultés à vaincre quand il s'en présenta une des plus insurmontables qui m'arrêta opiniâtrement et me força de renoncer à ma méthode. On sait que dans l'instruction du sourd-muet, on fait ordinairement succéder à ce premier procédé comparatif un second beaucoup plus difficile. Après avoir fait sentir par des comparaisons répétées le rapport de la chose avec son dessin, on place autour de celui-ci toutes les lettres qui forment le mot de l'objet représenté par la figure. Cela fait, on efface celle-ci et il ne reste plus que les signes alphabétiques. Le sourd-muet ne voit dans ce second procédé qu'un changement de dessin qui continue d'être pour lui le signe de l'objet. Il n'en fut pas de même de Victor, qui, malgré les répétitions les plus fréquentes, malgré l'exposition prolongée de la chose au-dessous de son mot, ne put jamais s'y reconnaître. Je n'eus pas de peine à me rendre compte de cette difficulté, et il me fut aisé de comprendre pourquoi elle était insurmontable. De la figure d'un objet à sa représentation alphabétique, la distance est immense et d'autant plus grande pour l'élève qu'elle se présente là au premier pas de l'instruction. Si les sourds-muets n'y sont pas arrêtés, c'est qu'ils sont, de tous les enfants, les plus attentifs et les plus observateurs. Accoutumés dès leur plus tendre enfance à entendre et à parler par les yeux, ils sont, plus que personne, exercés à apprécier tous les rapports des objets visibles. Il fallait donc chercher une méthode plus analogue aux facultés encore engourdies de notre sauvage, une méthode dans laquelle chaque difficulté vaincue l'élevât au niveau de la difficulté à vaincre. Ce fut dans cet esprit que je traçai mon nouveau plan. je ne m'arrêtai pas à en faire l'analyse. On en jugera par l'exécution. Je collai sur une planche de 2 pieds carrés 3 morceaux de papier de forme bien distincte et de couleurs bien tranchées. C'était un plan circulaire et rouge, un autre triangulaire et bleu, le troisième de figure carrée et de couleur noire. 3 morceaux de carton, également colorés et figurés, furent, au moyen d'un trou dont ils étaient percés dans leur milieu et des clous disposés à cet effet sur la planche, furent, dis-je, appliqués et laissés pendant quelques jours sur leurs modèles respectifs. Les ayant ensuite enlevés et présentés à Victor, ils furent replacés sans difficulté. Je m'assurai, en renversant le tableau et en changeant par là l'ordre des figures, que ces premiers résultats n'étaient point routiniers, mais dus à la comparaison. Au bout de quelques jours, je substituai un autre tableau à ce premier. J'y avais représenté les mêmes figures, mais toutes d'une couleur uniforme. Dans le premier, l'élève avait, pour se reconnaître, le double indice des formes et des couleurs. Dans le second, il n'avait plus qu'un guide, la comparaison des formes. Presque en même temps, je lui en présentai un troisième où toutes les figures étaient égales, et toujours même résultat, car je compte pour rien quelques fautes d'attention. La facilité avec laquelle s'exécutaient ces petites comparaisons m'engagea à lui en présenter de nouvelles. Je fis des additions et des modifications aux 2 derniers tableaux. J'ajoutai à celui des figures d'autres formes, beaucoup moins distinctes, et à celui des couleurs de nouvelles couleurs qui ne différenciaient entre elles que par des nuances. Il y avait, par exemple, dans le premier, un parallélogramme un peu allongé à côté d'un carré, et dans le second, un échantillon bleu céleste à côté d'un bleu grisâtre. Il se présenta ici quelques erreurs et quelques incertitudes, mais qui disparurent au bout de quelques jours d'exercice. Ces résultats m'enhardirent à de nouveaux changements, toujours plus difficiles. Chaque jour, j'ajoutais, je retranchais, je modifiais et provoquais de nouvelles comparaisons et de nouveaux jugements. À la longue, la multiplicité et les complications de ces petits exercices finirent par fatiguer son attention et sa docilité. Alors reparurent, dans toute leur intensité, ces mouvements d'impatience et de fureur qui éclataient si violemment au commencement de son séjour à Paris lorsque, surtout, il se trouvait enfermé dans sa chambre. N'importe, il me sembla que le moment était venu où il fallait ne plus apaiser ses mouvements par condescendance, mais les vaincre par énergie. Je crus donc devoir insister. Ainsi, quand, dégoûté d'un travail dont, à la vérité, il ne concevait pas le but, et dont il était bien naturel qu'il se lassât, il lui arrivait de prendre les morceaux de carton, de les jeter à terre avec dépit et de gagner son lit avec fureur, je laissais passer 1 ou 2 minutes. Je revenais à la charge avec le plus de sang-froid possible. Je lui faisais ramasser tous ses cartons éparpillés dans la chambre et ne lui donnais de répit qu'ils ne furent replacés convenablement. Mon obstination ne réussit que quelques jours et fut à la fin vaincue par ce caractère indépendant. Ces mouvements de colère devinrent plus fréquents, plus violents et simulèrent des accès de rage semblables à ceux dont j'ai déjà parlé, mais avec cette différence frappante que les effets en étaient moins dirigés vers les personnes que vers les choses. Il s'en allait alors dans cet esprit destructeur, mordant ses draps, les couvertures de son lit, la tablette de la cheminée, dispersant dans sa chambre les chenets, les cendres et les tisons enflammés, et finissant par tomber dans des convulsions qui avaient de commun avec celle de l'épilepsie une suspension complète des fonctions sensorielles. Force me fut de céder quand les choses en furent à ce point effrayant, et néanmoins ma condescendance ne fit qu'accroître le mal. Les accès en devinrent plus fréquents et susceptibles de se renouveler à la moindre contrariété, souvent même sans cause déterminante. Mon embarras devint extrême. Je voyais le moment où tous mes soins n'auraient réussi qu'à faire de ce pauvre enfant un malheureux épileptique. Encore quelques accès, et la force de l'habitude établissait une maladie des plus affreuses et des moins curables. Il fallait donc y remédier au plus tôt, non par les médicaments, si souvent infructueux, non par la douceur, dont on n'avait plus rien à espérer, mais par un procédé perturbateur à peu près pareil à celui qu'avait employé Boerhaave dans l'hôpital de Harlem. Je me persuadai bien que si le premier moyen dont j'allais faire usage manquait son effet, le mal ne ferait que s'exaspérer et que tout traitement de la même nature deviendrait inutile. Dans cette ferme conviction, je fis choix de celui que je crus être le plus effrayant pour un être qui ne connaissait encore, dans sa nouvelle existence, aucune espèce de danger. Quelque temps auparavant, Madame Guérin, étant avec lui à l'observatoire, l'avait conduit sur la plateforme qui est, comme on sait, très élevée. À peine était-il parvenu à quelque distance du parapet que, saisi d'effroi et d'un tremblement universel, il revient à sa gouvernante, le visage couvert de sueur, l'entraîne par le bras vers la porte et ne trouve un peu de calme que lorsqu'il est au pied de l'escalier. Quelle pouvait être la cause d'un pareil effroi? C'est ce que je ne recherchais point. Il me suffisait d'en connaître les faits pour le faire servir à mes desseins. L'occasion se présenta bientôt, dans un accès des plus violents, que j'avais cru devoir provoquer par la reprise de nos exercices. Saisissant alors le moment où les fonctions des sens n'étaient point encore suspendues, j'ouvre avec violence la croisée de la chambre située au quatrième étage et donnant perpendiculairement sur de gros quartiers de pierre. Je m'approche de lui avec toutes les apparences de la fureur et, le saisissant fortement par les hanches, je l'expose sur la fenêtre, la tête directement tournée vers le fond de ce précipice. Je l'en retirai quelques secondes après, pâle, couvert d'une sueur froide, les yeux un peu larmoyants et agité encore de quelques légers tressaillements que je crus appartenir aux effets de la peur. Je le conduisis vers ses tableaux, je lui fis ramasser tous ses cartons et j'exigeai qu'ils fussent tous replacés. Tout cela fut exécuté, à la vérité, très lentement et plutôt mal que bien, mais au moins sans impatience. Ensuite, il alla se jeter sur son lit où il pleura abondamment. C'était la première fois, à ma connaissance du moins, qu'il versait des larmes. La circonstance dont j'ai déjà rendu compte, et dans laquelle le chagrin d'avoir quitté sa gouvernante ou le plaisir de la retrouver lui en fit répandre, est postérieure à celle-ci. Si je l'ai fait précéder dans ma narration, c'est que dans mon plan, j'ai moins suivi l'ordre des temps que l'exposition méthodique des faits. Cet étrange moyen fut suivi d'un succès, sinon complet, au moins suffisant. Si son dégoût pour le travail ne fut pas entièrement surmonté, au moins fut-il beaucoup diminué, sans être jamais suivi d'effets pareils à ceux dont nous venons de rendre compte. Seulement, dans les occasions où on le fatiguait un peu trop, de même lorsqu'on le forçait à travailler à des heures consacrées à ses sorties ou à ses repas, il se contentait de témoigner de l'ennui, de l'impatience, et de faire entendre un murmure plaintif qui finissait ordinairement par des pleurs. Ce changement favorable nous permit de reprendre avec exactitude le cours de nos exercices que je soumis à de nouvelles modifications propres à fixer encore plus son jugement. Je substituai aux figures collées sur les tableaux, et qui étaient, comme je l'ai déjà dit, des plans entiers représentant des figures géométriques, des dessins linéaires de ces mêmes plans. Je me contentais aussi d'indiquer des couleurs par de petits échantillons de formes irrégulières et nullement analogues à celles des cartons colorés. Je puis dire que ces nouvelles difficultés ne furent qu'un jeu pour l'enfant, résultat qui suffisait au but que je m'étais proposé en adoptant ce système de comparaison grossière. Le moment était venu de le remplacer par un autre beaucoup plus instructif et qui eût présenté des difficultés insurmontables si elles n'avaient été aplanies d'avance par le succès des moyens que nous venions d'employer pour surmonter les premières. Je fis imprimer en gros caractères, sur des morceaux de carton de 2 pouces, environ 2,5 cm, les 24 lettres de l'alphabet. Je fis tailler, dans une planche d'un pied et demi carré, environ 50 cm, un nombre égal de cases dans lesquelles je fis insérer les morceaux de carton sans les y coller cependant, afin que l'on pût les changer de place au besoin. On construisit en métal et dans les mêmes dimensions un nombre égal de caractères. Ceux-ci étaient destinés à être comparés par l'élève aux lettres imprimées et classées dans leurs cases correspondantes. Le premier essai de cette méthode fut fait en mon absence par Madame Guérin. Je fus fort surpris d'apprendre par elle, à mon retour, que Victor distinguait tous les caractères et les classait convenablement. L'épreuve en fut faite aussitôt et sans la moindre faute. Ravi d'un succès aussi rapide, j'étais loin encore de pouvoir en expliquer la cause. Et ce ne fut que quelques jours après qu'elle se présenta à moi dans la manière dont notre élève procédait à cette classification. Pour se la rendre plus facile, il s'était avisé lui-même d'un petit expédient qui le dispensait dans ce travail de mémoire, de comparaison et de jugement. Dès qu'on lui mettait le tableau entre les mains, il n'attendait pas qu'on enlevât de leur case les lettres métalliques. Il les retirait et les empilait sur sa main, en suivant l'ordre de leur classification. De sorte que la dernière lettre de l'alphabet se trouvait, après les dépouillements complets du tableau, être la première de la pile. C'était aussi par celle-là qu'il commençait et par la dernière de la pile qu'il finissait, prenant conséquemment le tableau par la fin et procédant toujours de droite à gauche. Ce n'est pas tout. Ce procédé était susceptible, pour lui, de perfectionnement. Car assez souvent la pile crevait, les caractères s'échappaient, il fallait débrouiller tout cela et le mettre en ordre par les seuls efforts de l'attention. Les 24 lettres se trouvaient disposées sur 4 rangs, de 6 chacun. Il était donc plus simple de ne les enlever que par rangée et de les replacer de même, de manière à ne passer au dépouillement de la seconde file que lorsque la première serait rétablie. J'ignore s'il faisait le raisonnement que je lui prête, au moins est-il sûr qu'il exécutait la chose comme je le dis. C'était donc une véritable routine, mais une routine de son invention et qui faisait peut-être autant d'honneur à son intelligence qu'une classification méthodique en fit bientôt à son discernement. Il ne fut pas difficile de le mettre sur cette voie, en lui donnant les caractères pêle-mêle toutes les fois qu'on lui présentait le tableau. Enfin, malgré les inversions fréquentes que je faisais subir aux caractères imprimés en les changeant de case, malgré quelques dispositions insidieuses données à ces caractères, comme de placer le G à côté du C, le E à côté du F, etc., son discernement était imperturbable. En l'exerçant sur tous ces caractères, j'avais eu pour but de préparer Victor à les faire servir à leur usage, sans doute primitif, c'est-à-dire à l'expression des besoins que l'on ne peut manifester par la parole. Loin de croire que je fusse déjà si près de cette grande époque de son éducation, ce fut un esprit de curiosité, plutôt que de l'espoir du succès, qui me suggéra l'expérience que voici. Un matin, qu'il attendait impatiemment le lait dont il fait journellement son déjeuner, je pris dans son tableau et disposai sur une planche que j'avais préparée exprès ces 4 lettres. L, A, I, T. Madame Guérin, que j'avais prévenue, s'approche, regarde les caractères et me donne de suite une tasse pleine de lait dont je fais semblant de vouloir disposer pour moi-même. Un moment après, je m'approche de Victor, je lui donne les 4 lettres que je venais d'enlever de dessus la planche, je la lui indique d'une main, tandis que de l'autre, je lui présente le vase plein de lait. Les lettres furent aussitôt replacées, mais dans un ordre tout à fait inverse, de sorte qu'elles donnèrent T-I-A-L au lieu de L-A-I-T. J'indiquais alors les corrections à faire en désignant du doigt les lettres à transposer et la place qu'il fallait donner à chacune. Lorsque ces changements eurent reproduit le signe de la chose, je ne la fis plus attendre. On aura de la peine à croire que 5 ou 6 épreuves pareilles aient suffi, je ne dis pas pour lui faire arranger méthodiquement les 4 lettres du mot « lait », mais aussi, le dirais-je, pour lui donner l'idée du rapport qu'il y a entre le mot et la chose. C'est du moins ce que l'on est fortement autorisé à soupçonner d'après ce qui lui arriva 8 jours après cette première expérience. On le vit prêt à partir le soir pour l'observatoire, se munir de son propre mouvement des 4 lettres en question, les mettre dans sa poche, et à peine arrivé chez le citoyen Lemery, où, comme je l'ai dit plus haut, il va tous les jours goûter avec du lait, produire ses caractères sur une table de manière à former le mot « lait ». J'étais dans l'intention de récapituler ici tous les faits disséminés dans cet ouvrage. Mais j'ai pensé que quelques forces qu'ils pussent acquérir par leur réunion, elles n'équivaudraient jamais à celles de ce dernier résultat. Je le consigne, pour ainsi dire nu et dépouillé de toute réflexion, pour qu'ils puissent marquer d'une manière plus frappante l'époque où nous sommes parvenus et devenir garant de celle où il nous faut arriver. En attendant, on peut toujours conclure de la plupart de mes observations, de celles surtout qu'on a puisées dans ces deux dernières vues, que l'enfant connu sous le nom de Sauvage de l'Aveyron est doué du libre exercice de tous ses sens, qu'il donne des preuves continuelles d'attention, de réminiscence, de mémoire, qu'il peut comparer, discerner et juger, appliquer enfin toutes les facultés de son entendement à des objets relatifs à son instruction. On remarquera, comme un point essentiel, que ces changements heureux sont survenus dans le court espace de 9 mois, chez un sujet que l'on croyait incapable d'attention. Et l'on en conclura que son éducation est possible, si elle n'est pas même déjà garantie par ses premiers succès, indépendamment de ceux qu'on doit nécessairement espérer du temps qui, dans sa marche invariable, semble donner à l'enfance, en force et en développement, tout ce qu'il ôte à l'homme au déclin de la vie. Note de l'auteur. C'est aux observateurs éclairés à venir s'assurer par eux-mêmes de la vérité de ces résultats. Eux seuls peuvent juger de la valeur des faits en apportant à leur examen un esprit judicieux et versé dans la science de l'entendement. L'appréciation de l'état moral de notre sauvage est plus difficile qu'on ne pense. L'expérience journalière et toutes les idées reçues sont là pour égarer le jugement. Si l'habitude nous sommes, dit Condillac, dans un cas assez analogue, de nous aider des signes nous permettait de remarquer tout ce que nous leur devons, nous n'aurions qu'à nous mettre à la place de ce jeune homme pour comprendre combien il pouvait acquérir peu de connaissances. Mais nous jugeons toujours d'après notre situation. Il faut encore, pour juger sainement en cette circonstance, ne pas tenir l'enfant pourvu après un seul examen, mais l'observer et l'étudier à diverses reprises dans tous les moments de la journée, dans chacun de ses plaisirs, au milieu de ses petits exercices, etc. Toutes ces conditions sont de rigueur. Elles ne suffisent même pas si, pour établir une exacte comparaison entre le présent et le passé, l'on a vu de ses yeux le sauvage de l'Aveyron dans les premiers mois de son séjour à Paris. Ceux qui ne l'ont point observé à cette époque et qui le verraient actuellement ne trouveraient en lui qu'un enfant presque ordinaire, qui ne parle point. Ils ne pourraient moralement apprécier la distance qui sépare ce sujet presque ordinaire du sauvage de l'Aveyron nouvellement entré dans la société. Distance en apparence bien légère, mais véritablement immense lorsqu'on l'approfondit, et qu'on calcule à travers quelle série de raisonnements nouveaux et d'idées acquises il a dû parvenir à ses derniers résultats. Et cependant, quelles conséquences majeures, relatives à l'histoire philosophique et naturelle de l'homme, découlent déjà de cette première série d'observations? Qu'on les rassemble, qu'on les classe avec méthode, qu'on les réduise à leur juste valeur, et l'on y verra la preuve matérielle des plus importantes vérités, de ces vérités dont Locke et Condillac ne durent la découverte qu'à la force de leur génie et à la profondeur de leur méditation. Il m'a paru du moins qu'on pourrait en déduire, premièrement, que l'homme est inférieur à un grand nombre d'animaux dans le pur état de nature, état de nullité et de barbarie qu'on a sans fondement revêtu des couleurs les plus séduisantes, état dans lequel l'individu, privé des facultés caractéristiques de son espèce, traîne misérablement, sans intelligence comme sans affection, une vie précaire et réduite aux seules fonctions de l'animalité. Note de l'auteur. Je ne doute point que si l'on isolait, dès le premier âge, deux enfants, l'un mâle, l'autre femelle, et que l'on en fit autant de deux quadrupèdes choisis dans l'espèce la moins intelligente, ces derniers ne se montrassent de beaucoup supérieurs aux premiers dans les moyens de pourvoir à leurs besoins et de veiller soit à leur propre conservation, soit à celle de leurs petits. Deuxièmement, que cette supériorité morale, que l'on dit être naturelle à l'homme, n'est que le résultat de la civilisation qui l'élève au-dessus des autres animaux par un grand et puissant mobile. Ce mobile est la sensibilité prédominante de son espèce. Propriété essentielle d'où découlent les facultés imitatives et cette tendance continuelle qui le force à chercher dans de nouveaux besoins de nouvelles sensations. Troisièmement, que cette force imitative destinée à l'éducation de ses organes, et surtout à l'apprentissage de la parole, très énergique et très active dans les premières années de la vie, s'affaiblit rapidement par les progrès de l'âge, l'isolement et toutes les causes qui tendent à émousser la sensibilité nerveuse, d'où il résulte que l'articulation des sons, qui est sans contredit de tous les effets de l'imitation le résultat le plus inconcevable et le plus utile, doit éprouver des obstacles sans nombre dans un âge qui n'est plus celui de la première enfance. Quatrièmement, qu'il existe chez le sauvage le plus isolé, comme chez le citadin élevé au plus haut point de la civilisation, un rapport constant entre leurs idées et leurs besoins, que la multiplicité toujours croissante de ceux-ci chez les peuples policés doit être considérée comme un grand moyen de développement de l'esprit humain, de sorte qu'on peut établir comme proposition générale que toutes les causes accidentelles, locales ou politiques, qui tendent à augmenter ou à diminuer le nombre de nos besoins, contribuent nécessairement à étendre ou à rétrécir la sphère de nos connaissances et le domaine de la science, des beaux-arts et de l'industrie sociale. Cinquièmement, que dans l'état actuel de nos connaissances physiologiques, la marche de l'enseignement peut et doit s'éclairer des lumières de la médecine moderne qui, de toutes les sciences naturelles, peut coopérer le plus puissamment au perfectionnement de l'espèce humaine en appréciant les anomalies organiques et intellectuelles de chaque individu et déterminant par là ce que l'éducation doit faire pour lui, ce que la société peut en attendre. Il est encore quelques considérations non moins importantes que je me proposais d'associer à ces premières données. Mais les développements qu'elles eussent exigés auraient outrepassé les bornes et le dessin de cet opuscule. Je me suis d'ailleurs aperçu, en comparant mes observations avec la doctrine de quelques-uns de nos métaphysiciens, que je me trouvais, sur certains points intéressants, en désaccord avec eux. Je dois attendre, en conséquence, des faits plus nombreux et par là même plus concluants. Un motif à peu près analogue ne m'a pas permis, en parlant de tous les développements du jeune Victor, de m'apesantir sur l'époque de sa puberté qui s'est prononcée depuis quelques décades d'une manière presque explosive et dont les premiers phénomènes jettent beaucoup de doutes sur l'origine de certaines affections du cœur que nous regardons comme très naturelles. J'ai dû, de même ici, ne pas me presser de juger et de conclure, persuadé qu'on ne peut trop laisser mûrir par le temps et confirmé par des observations ultérieures toute considération qui tente à détruire des préjugés, peut-être respectables, et les plus douces comme les plus consolantes illusions de la vie sociale.